kina maloba na yo na yo kisomo soki na landinde na soki mbeli ya bambanda songi mabala ya sika ebongi toyokana mwasi mobali totika bilobela bla bla bla bla bla bayembi bayemba yo mpote oyebana bolingo ezali eloko elinga motema bakosomba kate yebanga nakangi motema mpona sanza moko yebanga nakangi motema mpona sanza moko separation bicor topesanaki lelo reconciliation maloba na yo na yo kisomo soki na landinde na soki mbeli ya bambanda songi mapala ya sika ebongi toyokana mwasi mobali totika bilobela bayembi bayemba yo mpote oyebana bolingo ezali eloko elinga motema bakosomba kate yebanga nakangi motema mpona sanza moko yebanga nakangi motema mpona sanza moko separation bikoko pesanaki lelo reconciliation komi kokondo bamba bolingo ya ngai na yo tokoki te tokabwana likolo ya bambuna musike musuli mama sindano ya moto sakina wangu nakomi kokondo bamba bolingo ya ngai na yo tokoki te tokabwana likolo ya bambuna wangu na komiko kondo kambai. Bolingo yanga inayoto kokite tuka bwana nikolo ya mambuna. Ole semeki, ole sana. Oh, sakina wangu na komiko kondo kambai. Bolingo yanga inayoto kokite tuka bwana nikolo ya mambuna. Oh, mama,